Chapitre 2. Bien que la position semble de prime abord désespérée, Jean de Fer n'en conserve pas moins un sang-froid magnifique. Le sourcil contracté, l'œil luisant, il embrasse d'un regard la scène. Un de ces regards qui voient tout, jusqu'aux choses les plus intimes, et qui, au milieu du danger, sont l'apanage des hommes vraiment intrépides. D'abord les Indiens. Ils sont une demi-douzaine, barbouillés de rouge. La couleur de guerre, qui caracole, vocifère et menace. Puis enfin les quatre coquins qu'il a épargnés et qui hurlent à pleine gorge en appelant les peaux rouges. Il se voit entouré de tous côtés. Le cercle menaçant va se resserrer. Dans quelques secondes, le petit groupe sera pris comme dans un étau par les Apaches. Jean, résumant la situation, dit froidement « Je crois que nous allons avoir de l'ouvrage, hein, Bob ?» La jeune fille ne peut détacher ses yeux des Indiens, l'effroi de son enfance. Elle murmure, frissonnant d'angoisse et d'horreur. « Oh, tomber aux mains de ces monstres ? Vous me tuerez plutôt. Oui, vous me tuerez. Jurez-le-moi. » Il sourit, vaillant, et répond avec cette gaieté qui jamais ne paraît l'abandonner. « Vous tuez, señorita ? Mauvais remède. Pire que le mal, vu que quand on est mort, c'est pour longtemps. Il y a mieux à faire, vous allez voir. » Et ma foi, il rit un homme sûr de lui, et qu'il en a vu bien d'autres. Et ce rire interloque les Indiens qui le connaissent de réputation et redoutent quelques diableries de sa part. Et ils ont bien raison. En pleine bagarre, Jean a déjà fait son plan. Oh, très simple, et digne d'un bristou comme lui. Piqué droit devant lui. Tout culbuté est passé, voilà tout. Après un moment d'hésitation, les Indiens, pour s'encourager, poussent de nouveau leur cri de guerre. « Ya! Hou! Hou! Hou !» Au moment où ils resserrent le cercle mouvant hérissé de Tomahawk, Jean, d'un bond de tigre, saute sur la coupe de son cheval. Il tombe en arrière de la selle et fait entendre un rapide crissement de la langue. On dirait, en vérité, ce froissement métallique du serpent fer de lance quand il attaque. À ce signal qu'il connaît bien, Bob couche les oreilles et la bride sur le cou, s'élance en hennissant. Andrés pousse un cri de rage et fait feu pour la seconde fois, mais une demi-seconde trop tard. La balle passe entre la jeune fille et Jean qui s'écrie « Toi, je te scalperai !» En face de Bob se trouve un gros cheval pis, tacheté comme un chien de chasse. Pelage d'ailleurs très commun parmi les bêtes de la prairie. Celui-là est un de ces solides mustangs nourris d'herbe et pour cela devenu ventru. On sait que les Indiens montent sans selle ni étrier sur des peaux d'animaux sauvages attachés par une sangle. Avec son cri de bête indomptée, Bob arrive comme un boulet sur le cheval pie. « Hardi, Bob, hardi !» crie Jean de Fer. D'un coup d'épaule, Bob culpute le mustang comme un veau et happe au passage le cavalier au niveau des reins. D'un coup de dent, il l'arrache de dessus sa peau de jaguar et l'envoie 10 pas et grondant, hennissant, les naseaux sanglants, détale en tempête au triple galop. Le cercle est disloqué par cette poussée formidable et la brèche est faite. Exaspérés, les Indiens poussent leurs clameurs farouches et prennent la chasse. Dès lors, la poursuite s'engage, furieuse, acharnée. Malgré son double poids, l'admirable cheval soutient cette allure désordonnée, et ses hurlements l'excitent encore s'il est possible. Oh, ces clameurs de fauves ! Bob les connaît depuis longtemps. Il partage d'ailleurs l'horreur de son maître pour ses cavaliers à peau d'ocre rouge, les ennemis séculaires des Blancs. Et puisqu'il faut fuir au lieu de batailler, il détale comme un chevreuil. Il va, trompettant son appel de fureur, les lèvres crispées par l'envie de mordre, vrai cheval de bataille, compagnon intrépide et dévoué de l'homme dont la vie au désert n'est qu'une lutte perpétuelle. Il suit d'instinct la grande avenue qui mène à l'hacienda. Déjà se rapprochent les grands bâtiments blancs ombragés d'acacias géants, de manguiers énormes, de bananiers splendides aux vastes feuilles de satin. Les bruits de bataille deviennent aussi plus distincts, et leur intensité augmente encore les alarmes de la jeune fille. De temps en temps, un faible gémissement lui échappe. Meurtri par sa chute, endolori par les réactions du cheval, terrifié par les hurlements des Indiens, l'œil trouble, la respiration haletante, elle se cramponne d'instinct à la selle. Jean la soutient de son mieux et lui dit doucement « Courage, señorita, courage, nous arrivons. » « Le courage ne me manque pas, mais la force. » « Oh, je n'en puis plus. » « Vous souffrez, oui, je comprends. Cette chute terrible pouvait vous tuer. » « Mon Dieu, que n'ai-je pu prévoir ce qui allait arriver ?» Et puis l'angoisse mortelle en songeant à vos parents. Et cela par ma faute? J'aurais dû écouter les conseils de mon pauvre Torubio. Est-il devenu, lui et les autres, ses humbles et chers amis? Rassurez-vous, ils ont dû échapper. Et nous, dans un moment, nous serons près de vos parents. Voyez-vous, avec Bob, on passe partout. Encore une fois, courage, señorita. Je souffre et j'ai peur, mais vous me réconfortez, comme une enfant qui se sent mourir. Je m'abandonne à votre vaillance. Et aussi à votre bonté infinie, qui pour me sauver vous fait courir un danger mortel. Aussi ma reconnaissance pour vous, Seigneur, sera proportionnée aux bienfaits, éternels et infinis. Oh, je vous en prie, señorita, ne parlez pas de cela, je ne fais que mon devoir. Aussi je n'ambitionne qu'une seule récompense, pouvoir, dans quelques minutes, vous remettre saine et sauve aux mains de ceux qui vous pleurent. Un coup de feu retentit en arrière, puis un second, puis un troisième et un quatrième. Les balles sifflent, et Bob, ne pouvant ni mordre ni ruer, hennit de fureur. Incapable d'atteindre ce cheval qui emporte, comme dans un tourbillon, les fugitifs, les Indiens tiraillent au galop, sans le moindre succès d'ailleurs. Et Jean s'écrie, tout fier de sa monture, « Hardi Bob, hardi mon vieux !» Voyez donc, señorita, comme il défile, un vrai train de chemin de fer. Dans 5 minutes, vous serez en sécurité. Et heureusement que ces peaux rouges tirent comme des zapateros, des savetiers. Cependant, il semble à la jeune fille que, sous cette apparente gaieté, la voix de Jean faiblit. Cette voix, au timbre net, un peu mordant, et dont le léger accent montre que l'homme n'est pas mexicain, s'altère au dernier mot. En outre, le maintien de ce cavalier si vigoureux et si agile n'est plus assurée, comme tout à l'heure, sur la robuste échine de Bob. Elle se tourna demi vers lui et frémit. Elle aperçoit une tache de sang rougir la laine grise de sa chemise de cow-boy, et s'écrie avec un sanglot, « Mais vous êtes blessé, grand Dieu, blessé !» Voulant lui inspirer cette confiance qui raffermit l'âme et assure le succès, il répond, souriant toujours, « Bon, quelque égratignure, tout à l'heure, quand j'ai traversé les buissons. Ces mesquites ont des épines longues et aiguës comme des lames de poignard. » Elle sent qu'il lui fait un mensonge sublime. Alors elle veut savoir, l'interroger, quand elle le voit pâlir, serrer les dents et fléchir. D'une main, elle se cramponne au pommeau de la selle. De l'autre, elle saisit à poignée, au niveau de la poitrine, la chemise du blessé et s'écrie « Ami, je vous sauverai à mon tour. » Avec une vigueur qui l'étonne elle-même, elle le maintient et réussit à l'empêcher de tomber. Il fait une longue aspiration, reprend d'un effort énergique possession de lui-même et dit d'une voix sourde « Merci, je me sens mieux. Un éblouissement, cela ne sera rien. Oh, señorita, comme vous êtes vaillante. C'est fini, n'est-ce pas? Oh, je suis heureuse. Nous arrivons. Hurrah, nous arrivons !» Derrière eux, les Apaches font leur vacarme et tiraillent de plus belle. Mais l'intrépide Bob file toujours ventre à terre et la distance est presque franchie. Voici les premiers terros des Palmas. Ces cases légères en feuillage qui environnent la hacienda. C'est le village indigène habité par les ouvriers de la plantation. Voici les jardiniers avec leurs arbres à fruits et leurs céréales. Au loin, à perte de vue, s'étendent comme une mer les champs de coton en pleine maturité. Une mer dont les flots d'un beau vert seraient les feuilles de la plante et les capsules entr'ouvertes par millions, sur lesquelles moutonnent et s'agitent en écume les blancs flocons d'ouates. Mais là-bas, près des cases, l'avenue semble barrée. Il y a par terre des branchages derrière lesquels des hommes crient, gesticulent, brandissent des armes. Jean de Fer et la jeune fille vont être pris entre deux feux. Le cheval pourra-t-il franchir cette barricade? Et pourquoi pas? Jean, pour l'exciter encore, fait entendre le signal familier, le crissement du serpent fer de lance. Bob hennit de fureur et se rue sur l'obstacle. 100 pas à courir et ce sera le choc. Brusquement de ce groupe surgit un flocon de fumée. Une détonation retentit et une balle siffle. Biou! En arrière des fugitifs et au milieu du peloton Apache s'élève un cri bref, tout rauque, tout cassé. Puis, aussitôt, un second flocon de fumée suivi du sifflement net de la détonation. En même temps retentit de nouveau le cri d'agonie. Mais, s'écrie Jean, ce n'est pas sur nous qu'on tire. On fusille de là-bas les rouges qui nous poursuivent. Bravo! Et surtout merci à l'ami inconnu. Pendant qu'il parle, 4 nouveaux coups de feu tout secs, vibrants, cinglants, éclatent en 4 secondes. Alors Jean reconnaît ces détonations familières à son oreille et s'écrie joyeux. Sangre de Dios, c'est la carabine de Joey. Señorita, nous sommes sauvés. » À ce moment, Bob arrive comme la foudre sur la barricade. Alors, au milieu du vacarme et des hurlements de ces gens en révolte, jaillit, aigu, vibrant, ironique, le ricanement de l'oiseau moqueur. Et Bob, les naseaux béants, le flanc battant, arrête docilement, en quelques foulées, sa course furibarde. Et pourtant, ce signe familier auquel obéit ainsi le brave cheval, ce n'est pas Jean qui l'a donné. Il est parti de la cohue des révoltés eux-mêmes. Au moment où le groupe tragique s'immobilise devant la ligne menaçante, un jeune homme, tête nue sous le grand soleil, lève les bras, fait des gestes désordonnés d'allégresse et s'élance des broussailles comme un diable qui surgit d'une boîte à surprises. C'est un superbe métis qui rit de toutes ses dents et brandit la petite carabine qui vient de décimer et d'arrêter le peloton des Peaux-Rouges. De l'âge de Jean, 22 ans, pas plus. Moins étoffé, plus grêle de forme. Il semble d'une agilité prodigieuse. Un luron dont le sang charrie du salpêtre. Son élan l'a porté jusque sous les naseaux de Bob qui le flaire et doucement hennit. D'une voix claironnante, il s'écrie « Bonjour, ami Bob !» Puis il ajoute, avec son large rire clair, pendant que ses yeux pétillants de joie et d'affection regardent Jean, « Frère, c'est moi !»« Señorita, je vous prie d'agréer mes respectueux hommages. » « Joey, mon bon Joey, » dit Jean, dont les yeux se mouillent. « Toi, c'est toi, ici. Hey, caray, tu le vois bien. Tout ce qu'il y a de plus moi. Et au bon moment, hein ? Du reste, je venais de reconnaître les hennissements de Bob. Il n'y a pas de trompette comme ça dans le pays. Tiens, je me dis, c'est Jean. » Alors, voyant que les affaires se gâtaient, je me suis mis à écheneiller en grand les rouges qui vous serraient de près, de trop près à mon idée. Et c'est ainsi que j'ai tapé sur mes troupes. Tes troupes ? Voyons, frère, je ne comprends plus. Eh oui, tu vois bien, puisque j'assiège la hacienda et que les Apaches sont nos alliés pour faire ce joli chambardement. Ma foi, un peu plus, elle était emportée par surprise. Comment ? Tu allais ravager la demeure de la señorita que j'ai pu arracher aux bandits ? Tu étais l'allié de ces pillards, de ces assassins ? Eh ! Que veux-tu ? On fait ce qu'on peut pour passer le temps. Je m'ennuyais, tu n'étais plus là. Mais du moment que ça paraît te déplaire, je n'assiège plus la hacienda. Je deviens son défenseur avec toi et pour toi. Allons, vous autres, place à la señorita, place à Jean de Fer, et place à moi, Joey Mousqueton. Des murmures éclatent, suivis aussitôt d'imprécations et d'injures. Canaille, chien des prairies, tu nous trahis. Reste avec nous, sinon. Allons, ne dites pas de bêtises. Toi, frère, passe le premier, la maison est là. Derrière ce bouquet de manguiers, la señorita te guidera. Allez, Bob, allez, hop. Le cheval s'élance. Un des révoltés veut le saisir à la bride. Il allonge la main. D'un seul coup de machette, Joe sabre cette main au ras du poignet et s'écrie « À bas les pattes !» Bob et ceux qu'il porte sont hors d'atteinte. Le mutilé pousse un hurlement effroyable et ses voisins se ruent sur le métis, la machette levée. Lui recule d'un pas, met en joue l'arme à laquelle il doit son surnom et dit froidement « Ne me forcez pas à vous estropier. Vous avez 3 secondes pour me livrer passage. 1, 2... » On le connaît et sa réputation est formidable, comme celle de Jean de Fer. Avant qu'il ait compté 3, les rangs s'ouvrent, il passe comme un boulet la suite du cheval avec une vélocité que l'on ne soupçonnerait jamais chez un homme. Il traverse en coup de vent la futaie de manguier et arrive à une barricade que défendent une 20aine de fidèles avec 2 obusiers. Il la contourne en criant « Amigo, amigo !» Tout à la joie de revoir leur jeune maîtresse, ces braves gens lancent à Joey quelques mots de bienvenue. Courant toujours éperdument, il arrive à l'immense perron de pierre devant lequel vient de s'arrêter Bob. Sur le perron, entre les piliers massifs de bois de rose, de palissandre et d'acajou, il voit accourir, les mains tendues, un homme et une femme qui poussent des cris de joie. Il voit aussi Jean sauter à bas de son cheval, saisir entre ses bras la jeune fille défaillante, pâle comme une morte, et monter en courant les marches. Il lui semble que l'allure de celui qu'il nomme son frère est plus lourde, plus embarrassée qu'à l'ordinaire. En même temps, il aperçoit l'énorme tache de sang qui macule sa chemise de laine, depuis le dos jusqu'à la poitrine. Il frémit et murmure « Il est blessé, gravement blessé, mourant peut-être. » Il n'y a au monde que lui pour accomplir un pareil tour de force. Dévoré d'inquiétude, il escalade à son tour le perron. Il arrive au moment où Jean, crispé, raidi, superbe, dit d'une voix qu'il s'efforce vainement d'affermir « J'étais là, au moment de l'attentat, dont fut victime votre enfant. Je m'étais juré de la délivrer. J'ai tenu parole. La voici, saine et sauve. » Il a encore la force de la déposer sur un de ces grands divans bas qui ornent les vestibules de ses demeures princières. Puis il se relève, blanc comme un linge, aussi, bat l'air de ses bras crispés et tombe à la renverse, comme une masse, dans les bras de Joey. Comme dans un brouillard, Juana voyait son père et sa mère se précipiter sur elle et la couvrir de baisers fous. Elle entendait les paroles d'ardente tendresse que l'un et l'autre lui jetaient d'une voix entrecoupée par des sanglots. « Ma fille, ma Juanita, c'est toi, si belle et si bonne. Nous n'espérions plus te revoir. Et c'était pour nous pire que la mort. Oh, béni soit celui qui te rend notre amour, toi notre adoré. » Et dans ce demi-anéantissement de l'âme et du corps qui succède aux grandes crises, la jeune fille goûtait avec délice ces caresses emportées, presque violentes, qui la rappelaient à la vie. Mais elle n'oubliait pas celui auquel il devait tous cette joie suprême. Elle devinait que Jean, l'intrépide libérateur, l'homme au corps d'athlète et à l'âme d'enfant, était à bout de force. Et à travers ce bonheur inespéré du retour, quelque chose de douloureux vibrait en elle, avec ce pressentiment cruel que Jean succombait à la tâche. C'est à peine si elle le connaissait depuis une heure, mais une heure tragique, valant des années et décidant d'une vie tout entière. Alors, elle se lève à demi, le voit tout pâle, rigide et sans mouvement, au bras du métis et s'écrie d'une voix déchirante « Mort ? Il est mort pour moi ?» Homme de sang-froid et de résolution, Joey allongeait le blessé sur un autre divan. Sans perdre une seconde, il fendait avec son poignard le tissu de laine et découvrait la blessure. Il hochait gravement la tête, pinçait la lèvre, pendant que les parents de la jeune fille s'empressaient à leur tour. « Un médecin ! Mon Dieu, où trouver un médecin ?» criait l'homme désespéré. « Nous sommes assiégés et le temps presse !» Joey tâtonnait doucement les abords de la plaie, toute petite, ronde, noirâtre et déjà enflammée. « C'est une balle de revolver, » dit-il à demi-voix, « et tirée par derrière. Elle aurait pu traverser de part en part, mon pauvre Jean. » Étrange. Elle est arrivée juste sur la crosse de son revolver, placée dans la pistole pocket. A brisé cette crosse, a ricoché, puis a entré là, au-dessous de l'épaule gauche, pourvu qu'elle n'ait pas pénétré dans la poitrine. Mais non, il ne crache pas le sang. Toute frissonnante et pouvant à peine se tenir debout, Juana s'est levée. Elle s'approche du blessé dont les yeux mi-clos n'ont plus de regard. Elle songe que cette balle est la première tirée là-bas par Andrés. Elle se souvient de ce trahissement éprouvé par Jean au moment où il la hissait sur le cheval et bondissait derrière elle. Ainsi, il a eu cette énergie surhumaine de cacher cette blessure, d'affecter un air d'enjouement quand il était peut-être frappé à mort, et d'accomplir ce sauvetage dont bien des hommes valides eussent été incapables. Elle voit Joey, ce métis inconnu, qui témoigne au blessé une affection de frère, examiner la blessure avec une dextérité singulière. À coup sûr, il n'est pas médecin. À n'en pas douter, c'est un de ces aventuriers qui parcourt à tout risque cette région déserte située à la frontière des États-Unis et du Mexique. Chercheur d'or, vaqueros, horse boy, vivant en marge de la société, bataillant contre les Indiens ou contre les Blancs, donnant et recevant en profusion les coups, ils ont, par la force des choses, l'expérience des blessures. Un espoir la ranime et fait battre son cœur. Une confiance lui vient en Joey. D'un mouvement qu'elle ne songe même pas à réprimer, elle saisit sa main, toute rouge de sang, la serre avec force et dit « Vous le sauverez. Oh oui, vous le sauverez. »